Exercice 13, page 101. 50 ans, c'est un âge où l'on profite de la vie. J'avais enfin grandi. C'est le moment où mes parents auraient dû souffler, respirer un grand coup d'air, plutôt qu'enfiler scanner sur scanner.